J'aime quand elle danse avec moi, même si je suis amoureux d'un ange, je peux pas lui dire nanana. Elle est vraiment irrésistible sur la piste invincible. Belle et mise en fantaisie, le poème sourit à espoir. Fille, eh, wé ni wangu, t'inquiète, ya ounou, ici ni wasi wali, baga ou kouari. Eh, wé ni wangu, t'inquiète, ya ounou, ici ni wasi wali, baga ou kouari. Manawe ni moto masa Kisa, sinisa Kwa mnobenta nekia wao Kisa, sinisa Tuyao shantari Kisa, sinisa Kwa mnobenta nekia wao Kisa, sinisa Tuyao shantari Kisa Capitale, non? Toi-même, tu sais, on est toujours là, bébé. Chant!